Homo n'était pas le premier loup venu. Homo était un vrai loup. Sa longueur était de 5 pieds, ce qui est une belle longueur de loup. Il était très fort, il avait le regard oblique, ce qui n'était pas sa faute. Il avait la langue douce, et il léchait parfois Ursus. Il était maigre, d'une bonne maigreur de forêt. Avant de connaître Ursus et d'avoir une carriole à traîner, il faisait allègrement ses 40 lieues dans une nuit. Ursus, le rencontrant dans un hallier, près d'un ruisseau d'eau vive, l'avait pris en estime en le voyant pêcher les écrevisses avec sagesse et prudence. Ursus préférait Homo comme bête de somme à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne lui eût répugné. Il faisait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur à quatre pattes, peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreilles inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Comme ami, Ursus préférait Homo à un chien, estimant que le loup vienne plus loin vers l'amitié. C'est pourquoi Homo suffisait à Ursus. Homo était pour Ursus plus qu'un compagnon. C'était un analogue. Ursus lui tapait ses flancs en disant « J'ai trouvé mon tome second ». Il disait encore « Quand je serai mort, qui voudra me connaître n'aura qu'à étudier Homo. Je le laisserai après moi pour copie conforme. » La loi anglaise, peu tendre aux bêtes des bois, eût pu chercher querelle à ce loup et le chicaner sur sa hardiesse d'aller familièrement dans les villes. Mais Homo profitait de l'immunité accordée par un statut d'Édouard IV, entre guillemets, au domestique. Pourra tout domestique, suivant son maître, aller et venir librement. En outre, un certain relâchement à l'endroit des loups était résulté de la mode des femmes de la cour, sous les derniers Stuarts, d'avoir, en guise de chien, de petits loups corsaques, gros comme des chats, qu'elle faisait venir d'Asie à grands frais. Ursus avait communiqué à Homo une partie de ses talents, se tenir debout, délayer sa corollaire en mauvaise humeur, bougonner au lieu de hurler, etc. Et de son côté, le loup avait enseigné à l'homme ce qu'il savait, se passer de toit, se passer de pain, se passer de feu, préférer la faim dans un bois à l'esclavage dans un palais. La cahute, sorte de cabane-voiture qui suivait l'itinéraire le plus varié, sans sortir pourtant d'Angleterre et d'Écosse, avait quatre roues, plus un brancard pour le loup et un palonnier pour l'homme. Ce palonnier était l'encas des mauvais chemins. Elle était solide, bien que bâtie en planches légères, comme un colombage. Elle avait à l'avant une porte vitrée avec un petit balcon servant aux harangues, tribune mitigée de chair, et à l'arrière, une porte pleine, trouée d'un vasista. L'abattement d'un marchepied de 3 degrés, tournant sur une charnière et dressé derrière la porte à vasista, donnait d'entrée dans la cahute, bien fermée la nuit, de verrou et de serrure. Il avait beaucoup plu et beaucoup neigé dessus. Elle avait été peinte, mais on ne savait plus trop de quelle couleur, les changements de saison étant pour les carrioles comme les changements de règne pour les courtisans.